C'est fait que bon, ben, quand je suis dans le musée, on dirait que ça me pèse sur la tête. Quand je sors en dehors du métro, hein, là où il n'y a pas du bruit, je me sens soulagé. Vraiment, je me sens vraiment soulagé d'un fardeau, je sais pas quoi, à cause du bruit. Il y a l'aération, il y a les gens, tout le mélange, quoi. Même si on va dehors, là, dans les... dehors, là, il y a les vestiaires, tout ça, c'est un peu calme parce que la porte, tout ça, ça coupe le bruit, quoi. Et là, par exemple, vous êtes posté plutôt ici? Ouais, exactement sous la pyramide, là. D'accord. Et ici, c'est pire ou c'est mieux que sous la pyramide elle-même? Disons que tout ce qui est là, sous la pyramide ou par là, surtout ici, c'est plus parce qu'il y a, les gens qui viennent déposer leurs affaires, tout ça. Il y a une concentration de personnes ou à l'accueil des groupes là, ou là où il y a le café, tout ça. Là où il n'y a pas beaucoup de monde, c'est un peu mieux, mais là où il y a une concentration de personnes... On disait que ça vous pesait. Sur la tête. Moi, je travaille ici. Bonjour. Je reste bonjour et c'est vrai ce qu'il dit. Ouais. Vous êtes posté à quel endroit? Nous, pyramide, ouais. Mezzanine, où il a pu vous expliquer aussi. Et de temps en temps, on a les PC, l'entrée du personnel et tout ça. Mais c'est vrai ce qu'il dit. Quand on est ici, on est doublement fatigué. C'est pas les transports, rien. Mais le fait d'être toujours faire attention aux gens qui passent, qui ne passent pas, et on a une tête comme ça. Et vous allez à l'accueil, on vous dira la même chose. Non, on a beaucoup déjà interviewé les personnes de l'accueil, là, et elles nous ont dit pareil. Ça pèse. Hein. Alors, est-ce que vous avez des stratégies, j'allais dire, est-ce que vous avez des moyens pour éviter ça ou pour être moins bien? Est-ce qu'il n'y a pas des lieux? Est-ce que vous n'avez pas appris près d'un mur, par exemple? Vous n'avez pas l'impression d'avoir plus de bruit qu'éloigné d'un mur? On choisit nos postes comme lui. Mmh. On choisit nos postes. Et je pense que dans n'importe quel poste, soit pyramide, on n'est pas protégé. La pyramide, c'est presque pareil. Mais plus ou moins, il y a une petite différence, plus ou moins de là où il y a moins de monde. Par exemple, je vous ai dit, à l'accueil des beaux, par exemple là, ou au vestiaire central, ou près des cafés, là où il y a plus de groupes, ça pèse plus. Mais là où il y a moins de groupes, mais il y a toujours ce bruit du fond. Mais déjà sur la pyramide même, on dirait que bon, il y a un poids qui nous pèse dessus. On ne sait pas si c'est le mur parce qu'il y a trop d'épaisseur ou quelque chose comme ça. Moi j'ai le pressentiment, hein. Puis ça me pèse sur la tête. Quand je sors, ça me soulage. Quand je sors surtout dehors, ça me soulage dans ce point. On dirait qu'on m'a levé un fardeau que j'ai sur la tête. Et justement, dans la journée, si on vous interpelle, si vous avez une activité, si vous devez dire à quelqu'un de ne pas faire quelque chose, ça vous détend ou c'est mieux? Ou au contraire, vous préférez rester dans la constance du bruit de fond? Qu'est-ce qui est mieux? C'est vous arrêter ou au contraire aller vers les gens? Qu'est-ce qui vous convient mieux? Disons que, bon, par exemple, je fais le contrôle à deux noms. Alors, oui. Bon, déjà, il y a le bruit et en plus, vous devrez expliquer à chaque fois aux gens la même chose. Et ça, c'est oui, pour dire que bon, oui, la Joconde. Voilà, c'est ça. Bon, ça fait que bon, ben, vous avez deux poids là en même temps. Parce que d'un, il y a tout le bruit là qui vous entoure, qui vous pèse dessus. Et en plus, il faut répéter à chaque fois. Des fois, j'ai les maux de tête. Je suis obligé de prendre des cachets. Franchement, il y a des jours que je le supporte mieux. Il y en a d'autres. Ça dépend comment je me suis reposé chez moi, comment je me suis réveillé. Physiquement, tout ça, c'est pareil, même psychologiquement. Moi, c'est pareil. Hein. Tout ce qu'il dit, c'est vrai. Quand on doit dire à quelqu'un, moi, personnellement, on fait deux boulots différents. Hein. Moi, si je dois lever les gens qui sont assis, pour ne pas qu'ils squattent, si les gens qui viennent me demander où ça se trouve, ceci, où sont les toilettes. Je suis obligé de partir parce que merci beaucoup. Non, moi, je peux y aller là. D'accord. Et bon, les trois choses qu'on doit faire, c'est la sécurité du public, aussi les renseigner. Comme vous avez posé la question à mon collègue là, qu'est-ce qui lui. C'est plus fatigant. Si ça se détendait ou pas de parler aux gens, mais non, ça dépend aussi. On a des gens très aimables hein, et qu'on a pu avoir des gens qui ne sont pas du tout aimables. Et nous, notre rôle, c'est pas d'indiquer où ça se trouve, quelle peinture. C'est un effort qu'on fait tous de nous-mêmes. Et c'est vrai que c'est pénible de travailler ici. Hein. Est-ce qu'il y a des gens avec lesquels vous sympathisez, je l'ai dit? Entre nous? Oui, même non, mais avec des touristes. Ah, des touristes, oui, il y en a qui sont très sympas avec nous. Hein. Il y en a qui sont très sympas. Quand vous avez une relation, quand vous appelez quelqu'un, ça dure combien de temps la relation? Le plus bref possible. Oui, instantané. Par exemple, quelqu'un qui est là en train de boire. Et hop, tout de suite, quelqu'un qui fume, tout de suite, on le court presque après pour lui dire éteignez votre cigarette. C'est la crainte aussi si jamais un de nos chefs passe et le voit. Mais il y a des moments où nous, on ne peut pas avoir les yeux partout. Et il y a beaucoup de conflits avec des gens à des moments. Parce que... Oui ? Pourquoi ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Bon, on va venir sur un autre problème. Bon, ça fait 7 ans que je suis ici au musée. Et je suis africaine, je suis des îles de Cap-Vert et je trouve que les gens, ils sont un peu déçus qu'il y a beaucoup de gens, comme ils disent, comme les blancs, ils disent des gens de couleur, les Antilles en fin de compte qui sont français comme un français de la peau blanche. Ils sont, envers nous, les noirs, ils sont très agressifs en nous disant mais comment ça se fait qu'il n'y a que des noirs qui travaillent. Bon, et nous, moi personnellement, je suis choquée parce qu'en fin de compte, moi, je suis étrangère. Et je ne comprends pas pourquoi il y a ça, mais en fin de compte, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'étrangers. Et bon, il y a des gens qui font mal leur travail. Par exemple, moi, je vais dire à quelqu'un, s'il vous plaît, éteignez votre cigarette, il m'écoutera, il le fera. Et bon, ça dépend aussi. Il y a des moments, aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de monde, mais il y a des moments, l'influence du public, elle est tellement épaisse que c'est vrai qu'on dit s'il vous plaît votre cigarette, si la personne insiste un peu plus, bon, on s'énerve. Et là c'est personnel, hein. C'est très personnel. Et bon, je trouve que c'est plutôt avec des Français qu'on a ce genre de conflit, comme je vous ai dit.